8. Deux proverbes en défaut. Ne remets point au lendemain ce que tu peux faire la veille, dit la sagesse des nations. Et cette même sagesse des nations dit encore « La nuit porte conseil », ce qui signifie « Attends à demain pour agir ». De ces deux systèmes contradictoires, lequel faut-il choisir? Quel est le mauvais? Quel est le bon? J'ai connu deux hommes qui avaient une égale aversion, l'un pour le lendemain, l'autre pour le jour présent. Saisir l'occasion aux cheveux était la règle invariable du premier. Le second prétendait qu'il fallait, en toute chose, prendre le temps de réfléchir. Prémontier méditait ses paroles, nourrissait ses idées, mûrissait ses projets, compassait ses actions. Duplan parlait, concevait, exécutait sans réflexion, sans examen, sans délai. Tous deux manquaient le but dans la plupart de leurs entreprises. Duplan arrivait trop tôt, Prémontier trop tard. C'était ainsi, du reste, qu'ils avaient débuté dans la vie. Quand Duplan vint au monde, le mariage de sa mère ne datait que de 6 mois, ce qui motiva contre elle, de la part de son mari, une demande en séparation dont les arguments parurent sans réplique au tribunal. Prémontier, pour être né le 11e mois du veuvage de sa mère, se trouva frustré d'un nom et d'un héritage que la loi lui reconnut 1 mois plus tôt sans la moindre difficulté. Au collège, Duplan, arrivé presque toujours 1/4 d'heure avant l'ouverture des portes, s'occupait, pour charmer les ennuis de l'attente, à faire aux passants des niches qui lui attirèrent plus d'une correction. Prémontier, en se présentant 1/4 d'heure après la fermeture, se mettait à l'abri de cet inconvénient. Mais il tombait sous la férule du professeur, qui ne lui épargnait ni les réprimandes ni les pensums. L'amitié des deux élèves se noua d'une façon assez bizarre. Duplan jugea dès la première vue que Prémontier était l'ami qu'il lui fallait. Il lui tendit aussitôt la main en disant « À la vie, à la mort !»« Peut-être, quand nous nous connaîtrons mieux, » répondit froidement Prémontier. Duplan s'imagina qu'on faisait fi de ses avances, et s'en plaignit en termes assez vifs. Prémontier répliqua qu'il ne comprenait point qu'on jeta ainsi son amitié à la tête des gens. Des paroles, on vint au geste. On se donna mutuellement, durant 5 minutes, la mesure de son habileté dans la science du pugilat. Puis on se jeta dans les bras l'un de l'autre, et de ce moment, l'on devint inséparable. Duplan se sentait pour la médecine une vocation décidée. Mais il acheva si rapidement ses études qu'à l'âge de 16 ans, il était reçu bachelier. Sa mère fut effrayée à la pensée de l'envoyer si jeune à Paris. Elle le plaça chez un courtier de marchandises. À l'école, il serait peut-être devenu un anatomiste distingué. La bourse fit de lui un médiocre négociant. Prémontier eut un sort à peu près semblable pour des motifs tout différents. Il quitta si tard les bancs du collège que sa mère ne put se résoudre à se rendre au vif désir qu'il témoignait de suivre la carrière du barreau. Jugeant du temps qu'il faudrait pour faire de son fils un avocat, par le temps qu'il avait fallu pour en faire un bachelier, elle désespéra de pouvoir le soutenir jusqu'au bout à Paris, et décida qu'il essayerait de faire son chemin dans le commerce. Il y devint tout juste de la force de son ami Duplan. On eût dit qu'ils rivalisaient à qui manquait le plus d'affaires. Seulement, ils y arrivaient par des voies différentes, et si la précipitation était pour l'un une cause de fréquents échecs, l'autre pouvait attribuer à ses temporisations des déceptions non moins nombreuses. Duplan dînait un jour chez un armateur de Nantes. J'oubliais de dire que nos deux négociants habitaient cette ville. Au dessert, son attention fut éveillée par quelques paroles que prononça d'un air presque mystérieux un de ces entremetteurs non patentés qui pullulent dans les grands centres commerciaux. « Quel beau coup à faire, capitaine! Une lettre de Mulhouse m'apprend aujourd'hui même que les cotons manquent sur cette place. Si j'étais négociant, je n'hésiterais pas à traiter avec vous pour toute votre cargaison, et nous ne sortirions point d'ici avant d'avoir échangé nos paroles. » Cette confidence, qui s'adressait à un capitaine de navire, assis auprès de Duplan, était faite d'une voix assez haute pour que celui-ci n'en perdît pas un mot. Lorsqu'on passa dans le salon pour prendre le café, Duplan s'approcha du capitaine. « J'ai entendu dire que vous aviez des cotons, 200 balles Louisiane, dont je ne serais pas embarrassé si je n'avais hâte de me remettre en route avant la mauvaise saison. Vous appareillerez quand vous voudrez, capitaine. Faites-moi des conditions acceptables. Je m'arrange des 200 balles. » Le lendemain, les cotons du capitaine passaient dans les magasins de Duplan. Ils en sortaient 2 jours après pour être dirigés sur Mulhouse. La huitaine ne s'était pas écoulée que Duplan lisait avec stupéfaction la phrase suivante dans une lettre de son correspondant. « Vos cotons nous arrivent mal dans un moment où il y a encombrement de cette marchandise sur notre place. » Le compte de cette magnifique opération fut balancé par une perte de 5 000 francs. Si Mulhouse regorgeait de coton, les arrivages de sucre manquaient à Bordeaux, et de nombreuses demandes prenaient la place au dépourvu. C'était une belle occasion pour Brémontier d'expédier immédiatement à son correspondant, dans cette ville, une quantité considérable de boucaux et de caisses qui chômaient dans son magasin. Mais Brémontier n'allait pas si vite en besogne. Il commença par se livrer à une foule de calculs sur les prix de revient, sur les chances de bénéfice, sur les moyens, la durée et l'économie du transport. Puis il écrivit à son correspondant pour avoir des renseignements précis sur les quantités et les sortes demandées, de même que sur la solvabilité des demandeurs. Puis il attendit une réponse, puis il écrivit de nouveau pour donner ses instructions et rectifier des ordres précédents. Enfin, il se décida, au bout de 3 semaines de tâtonnement, à expédier ses marchandises. Elles arrivèrent à Bordeaux juste au moment où l'entrée dans le port de plusieurs navires, retardée par le gros temps, venait de jeter sur la place une quantité de sucre infiniment supérieure aux besoins. Les 10 000 francs de bénéfices qu'avait pu raisonnablement espérer Brémontier se trouvèrent transformés en 10 000 francs de pertes. On conçoit qu'une pareille habileté, en fait de spéculation, n'avait pas été pour les deux amis la source d'une fortune très brillante. Ruiné le premier, Duplan renonça, le premier, au commerce. Pendant qu'il demandait à l'inspiration quelques prompts moyens de relever sa fortune, le bruit vint à ses oreilles qu'un de ses amis, M. de Lignières, revêtu d'un emploi important à Paris, avait été frappé de mort subite. Le ministre de qui dépendait l'emploi avait autrefois été en relation d'affaires avec Duplan. Il n'en fallut pas davantage à celui-ci pour se mettre en route sur le champ, l'esprit bercé des plus beaux rêves et des plus flatteuses espérances. Il s'était fait précéder par une requête des mieux motivées et des plus pressantes, adressée au ministre. À peine descendu de wagon, son premier soin est de courir s'informer dans les bureaux du résultat de sa demande. Quelle surprise quand il se voit introduire par l'huissier, qui l'interroge, dans le cabinet et en présence de M. de Lignières lui-même. Celui-ci, à la vue de Duplan, se met à rire aux éclats. Il lui montre ouverte devant lui sa requête, qui, depuis 2 jours, fait la joie des bureaux, et lui apprend que la mort d'un homonyme, en induisant un journaliste en erreur, a été la cause première de sa méprise. Duplan, pour venir à Paris, avait fait flèche de son dernier bois. Il fut trop heureux d'accepter une modique position sous les ordres du fonctionnaire, dont il avait prématurément convoité la place. Après avoir épuisé toutes ses ressources, Brémontier s'était également retiré du commerce. Pauvre, mais considéré, parce qu'il avait scrupuleusement fait honneur jusqu'au dernier de ses engagements, il avait reçu de ses compatriotes les plus honorables témoignages de sympathie. Une occasion se présenta de chercher un appui dans cette estime générale dont il était l'objet. Un des principaux fonctionnaires du département venait de tomber dangereusement malade. On s'attendait à le voir mourir d'un jour à l'autre. L'administration était intéressée à lui donner pour successeur un homme qui fut connu, aimé dans le pays. Les amis de Brémontier lui conseillèrent de se mettre sur les rangs. Il y consentit. C'était pour lui un port de salut. Mais dans sa naïve honnêteté, il regarda comme un acte monstrueux de solliciter une place dont le titulaire respirait encore. Croyant donc obéir à de rigoureuses convenances, il attendit non seulement que le moribond eût rendu son âme à Dieu, mais encore que la tombe se fût refermée sur ses restes. Alors seulement il recueillit les signatures qu'on lui avait offertes et fit parvenir sa demande à l'administration. La réponse fut prompte. Elle était conçue dans les termes les plus bienveillants. On y exprimait le regret qu'il n'eût point envoyé sa pétition 15 jours plus tôt, attendu que le ministre s'était vu forcé d'arrêter son choix parmi les 300 demandes qui lui étaient parvenues le même jour de l'invasion de la maladie du défunt. Les tergiversations de Brémontier ne lui réussirent pas mieux dans une autre circonstance. Il avait remarqué que Mademoiselle Aglaé Butel, fille d'un employé de la douane, joignait à d'excellentes manières une figure des plus intéressantes. Aglaé n'apportait en dot que ses qualités physiques, ses morales. Brémontier le savait et ne s'en inquiétait point, quoiqu'il fût pauvre lui-même. Mais si la richesse le touchait peu, il mettait un haut prix au bonheur, et il avait formé la louable résolution de ne se donner qu'à une femme qui l'aimerait et qui serait digne d'être aimée. Brémontier, séduit d'abord par les grâces d'Aglaé, qu'il avait rencontré chez un négociant de ses amis, se fit présenter chez M. Butel, dont il fréquenta bientôt la maison, comme l'aurait pu faire l'ami le plus intime. Aglaé ne tarda point à soupçonner les secrètes intentions de ce nouveau visiteur, et répondit à ses assiduités par un accueil qui n'avait rien de bien décourageant. Brémontier se livra d'abord à un long examen, duquel il résulta qu'Aglaé n'était ni méchante, ni colère, ni hautaine, ni vindicative, ni médisante, qu'elle avait au contraire toutes les qualités opposées, et que son esprit, soigneusement cultivé, ne le cédait en rien à son cœur. Il s'occupa ensuite d'étudier l'impression que lui-même avait produite, afin de s'assurer si la femme à laquelle il voulait confier la tâche d'embellir son existence n'éprouverait pas de répugnance à se charger de ce soin. Il crut s'apercevoir alors que les manières d'Aglaé s'étaient modifiées à son égard. Ce n'était plus la même franchise dans le sourire, la même affabilité dans les paroles. La contrainte et la réserve avaient remplacé l'abandon d'une aimable familiarité. Cette découverte affligea et déconcerta Brémontier. À quoi devait-il attribuer un pareil changement? Pour en découvrir la cause, il se tint aux aguets et aux écoutes. Il mit dans ses visites une irrégularité calculée. Il plaida le faux pour savoir le vrai. Il employa tous les moyens, excepté le plus simple, qui eût été d'aborder une explication franche et directe. On le présenta un jour comme l'ami de la maison à un monsieur d'environ 40 ans, qui serrait familièrement la main à monsieur Butel, et dont la verve ne tarissait point en compliments ingénieux à l'adresse d'Aglaé. Cette circonstance fut un trait de lumière pour Brémontier. Il avait un rival. C'était le cas ou jamais de hâter sa déclaration. Non, pensa-t-il après avoir mûrement pesé le pour et le contre. Mademoiselle Aglaé me traite avec une froideur de mauvais augure. Le moment en serait mal choisi. Ne songeons aujourd'hui qu'à nous montrer aimables. Plus tard, nous verrons. Brémontier fut très aimable, en effet. Le front d'Aglaé parut quelque peu s'éclaircir. C'est bien, encore un jour et je frapperai résolument le grand coup. Mais ce jour-là, le visage d'Aglaé ne retrouva point les sourires de la veille. Il fut plus sérieux et plus glacial que jamais. Caprice de jeune fille. Demain, je serai plus heureux. Le lendemain, Aglaé se montra parfaite d'égard et de prévenance, mais ce fut pour le monsieur de 40 ans. Brémontier n'obtint pas un regard. Le dépit et la jalousie triomphèrent alors de toutes ses hésitations. Il alla trouver monsieur Butel et lui demanda formellement la main de sa fille. C'était trop tard. « Je suis bien vivement contrarié de vous refuser, » lui répondit le bon père. « Pour que diable aussi ne vous êtes-vous pas déclaré plus tôt ?» Voyant en effet qu'il se renfermait dans un mutisme absolu, Aglaé, qui lui donnait de grand cœur la préférence, s'était résigné de guerre lasse à subir le monsieur de 40 ans. Les paroles étaient données, le contrat allait être signé, dans le moment même où Brémontier frappait résolument, comme il disait, le grand coup. Monsieur Butel se disposait à le prier d'être un des témoins de sa fille. Cette dernière déception acheva de rendre le séjour de Nantes insupportable à Brémontier. Il alla rejoindre à Paris son ami Duplan. Celui-ci était marié. Un matin, il s'était dit « Je m'ennuie d'être seul, cherchant une femme ». Le soir, il avisa au bal du Ranelagh un petit minois égrillard, qui lui sembla tout à fait propre à le distraire. « Mademoiselle veut-elle m'accorder la faveur d'une contredanse ?» La contredanse finit. « Mademoiselle, vous êtes adorable, et je vous adore. » Et après une valse qui suivit la contredanse, « Mademoiselle, vous ayant donné mon cœur, je ne puis me dispenser de vous offrir ma main. » Duplan ne donna pas aux formalités préliminaires une heure de plus que le temps exigé par la loi. Le 11e jour après cette charmante rencontre, il prononçait devant monsieur le maire le solennel monosyllable qui lui assurait dans mademoiselle Ida la plus brune et la plus sémillante des compagnes. Ce mariage accrut d'une façon toute particulière l'intérêt que monsieur de Lignières paraissait déjà porter à son ami et subordonné Duplan. Le chemin difficile de l'avancement s'aplanit tout à coup sous les pas de l'humble employé. Son crédit alla jusqu'à pouvoir être utile à ses amis, et ce fut, grâce à son intercession, que Brémontier se trouva pourvu d'un emploi qui le mettait à l'abri du besoin. Tout allait donc pour le mieux. Duplan se glorifiait d'avoir une femme que chacun admirait, et un chef éclairé qui savait reconnaître et récompenser son mérite. Monsieur de Lignières s'applaudissait de posséder dans ses bureaux un employé plein de zèle et de dévouement, un ami dont le salon lui offrait un agréable délassement de ses fatigues administratives. Brémontier s'accoutumait à la médiocrité de sa position, faisant des rêves d'établissement pour l'avenir, amusant le présent par d'interminables parties de domino, les soirs où Duplan ne recevait point chez lui. C'était ordinairement au café turc que les deux amis se réunissaient. Brémontier, pour s'y rendre, était obligé de passer devant la demeure de Duplan. Un soir que Brémontier, retardé par une visite d'importun, gagnait sans presser le pas, le café où son ami l'attendait avec impatience, il vit un homme soulever le marteau de la porte de Duplan. Cet homme, qu'il reconnut au premier coup d'œil, était M. de Lignières. « Voilà qui est singulier, » pensa-t-il. « M. de Lignières sait pourtant bien qu'aujourd'hui, et à cette heure, ce n'est pas chez lui qu'il faut chercher Duplan. » Puis il se frappa le front, et devint subitement rouge d'indignation et de colère. « Ah, mon Dieu, serait-il possible? Je cours immédiatement prévenir mon ami. » Mais la pensée lui vint aussitôt, que l'illusion tenait souvent lieu de la réalité, et que peut-être il y avait autant de cruauté à détruire l'une que l'autre. prenant jusqu'à demain, se dit-il, pour réfléchir sur ce qu'il est convenable de faire. Il fut discret toute la soirée. Il eut du mérite, car dans sa préoccupation, il se rendait à chaque instant coupable des plus monstrueux accouplements de dominos, et du plan l'accablait de questions sur les causes d'une distraction dont il n'était point coutumier. À force de méditer toute la nuit, il arriva le lendemain matin à cette conclusion que, favorisé par son silence la trahison de M. de Linière, ce serait en être le complice. Il fit donc à Duplan le récit de ce qu'il avait vu. À cette révélation, il joignit le conseil de dissimuler et d'observer afin de mettre la loi de son côté en surprenant les coupables ensemble. Conseil fort sage, assurément. Mais avec un caractère comme celui de son ami, il eût fait plus sagement encore de lui raconter l'événement au moment même où il venait d'en être témoin. Dès les premiers mots, la colère de Duplan s'alluma. Sourd aux exhortations de Brémontier, il courut auprès de sa femme, qu'il trouva en grande conversation avec deux ou trois amis. « Madame, est-il vrai que M. de Linière soit venu ici hier au soir, moi absent ?»« Je ne sais, monsieur, ce que vous voulez dire. »« Vous mentez. » Si cette parole était peu gracieuse, le geste qui la suivit ne le fut pas davantage. Quelques minutes plus tard, Duplan, hors d'haleine, entrait dans le cabinet de M. de Linière. « Monsieur, Aglaé vient de m'avouer que vous aviez été, dans la soirée d'hier, lui rendre visite en mon absence. »« Ah, madame vous a dit ? Eh bien, qu'y a-t-il d'étonnant à cela ? Et qu'en concluez-vous ? J'en conclus que vous êtes un drôle et un misérable. » La phrase n'avait pas été plus tôt lancée que M. de Linière tirait le cordon d'une sonnette et ordonnait à l'huissier de faire jeter l'insolent à la porte de son cabinet. Le lendemain, une dépêche ministérielle annonçait à Duplan sa destitution. Le surlendemain, il apprenait qu'enveloppant dans sa vengeance l'ami et le protégé de l'homme qui l'avait insulté, M. de Linière avait dépossédé Brémontier de son modeste emploi. Le troisième jour, il était assigné à comparaître devant le tribunal de première instance. L'assignation était faite à la requête de la dame Duplan, aux fins d'obtenir une séparation de corps pour cause de sévices graves en présence de témoins. Duplan présenta un système de défense d'autant plus défectueux que les preuves lui manquaient absolument. Il fut vilipendé par l'avocat de sa femme, sévèrement admonesté par le ministère public, honni par l'auditoire, condamné par les juges et contraint par corps au paiement d'une forte pension alimentaire. Le soir du jour où fut prononcé le jugement, Duplan et Brémontier, réunis dans la demeure de ce dernier, confondaient leur chagrin, leur indignation et leurs plaintes qu'ils entremêlaient parfois de mutuels reproches. « Oh !» s'écria Duplan, « que les rôles seraient changés si j'avais pu les surprendre ensemble !» Avec un peu de patience, cela n'eût pas manqué. « Si tu m'avais prévenu le soir même, j'étais sûr de mon affaire. Tu t'y es pris trop tard. C'est toi qui as éclaté trop tôt. Que ce soit ta faute ou la mienne, je n'en suis pas moins battu de toutes les façons et condamné à payer l'amende par-dessus le marché. Et la colère de ton ennemi a rejailli sur moi. Me voici sans emploi, sans moyen d'existence. Il est impossible de tomber plus bas. » La seule différence qu'il y ait entre nous, c'est que je tombe d'un peu plus haut. Dans de telles conditions, la vie est un supplice, dont la mort seule est le terme. Ce terme, combien de temps faudra-t-il d'attendre ? On pourrait le rapprocher. La pensée m'en est venue. » Ils se mirent alors à passer en revue toutes les raisons susceptibles de justifier de leur part une suprême détermination. « L'oncle Vincent de Plouermel m'a promis son héritage, » disait Duplan. « Il est certain que si la promesse du cher homme venait à se réaliser aujourd'hui, j'y verrai un grand adoucissement à mon infortune, et par suite un motif suffisant de ne point quitter cette terre, où en définitive un malheur doré ne me paraît pas impossible à supporter. Mais l'oncle Vincent est garçon, il est taillé en Hercule, il vit sans souvenir de la veille et sans souci du lendemain. Il réunit toutes les conditions voulues pour achever le siècle, dont il n'a guère franchi que la première moitié. « Je ne crois pas que tu puisses aller 50 ans, » fit Brémontier. « Je n'aurai pas la patience d'en attendre 10. » « Moi, je ne prétends à aucune succession, ce qui me rend la vie encore bien moins regrettable qu'à toi. Il y a plus, ma mort assurerait immédiatement le sort d'un être à qui j'ai quelques raisons de m'intéresser, et que ma misère, si je persistais à vivre, laisserait languir dans le plus triste dénuement. Ceci est une énigme, dont tu trouverais le mot à Londres, sur les registres d'une compagnie d'assurance qui s'est engagée à décupler au profit de l'être en question, et pour l'en faire bénéficier après ma mort, quelques 1000 francs. Débris sauvé de mon naufrage commercial. Croyant donc avoir deux plausibles motifs, celui de mourir, celui-là de ne pas vivre, ils convinrent de se débarrasser ensemble du fardeau de l'existence. Seulement, ils remirent la partie à huitaine. Brémontier avait jugé que pour mettre ordre à leurs affaires, ce délai leur était indispensable. Duplan quitta son ami, la tête parfaitement montée. Chemin faisant, il réfléchit qu'il n'avait point d'affaires à mettre en ordre, que 8 jours d'une attente oisive allaient lui paraître 8 siècles, et qu'au bout du compte, rien ne s'opposait à ce qu'il la supprimât. Quand cette réflexion lui vint, il se trouvait au milieu du pont des Arts, et la nuit était sombre. Cette même nuit, l'oncle Vincent mourait à Plouermel, des suites d'une indigestion, après avoir signé le testament qui instituait Duplan son légataire universel. Brémentier a pris les deux morts à la fois. Pauvre Duplan, dit-il avec un sourire mélancolique, serait-il heureux aujourd'hui s'il avait eu la patience d'attendre? Mais pour que la vie d'un tel homme fût dignement couronnée, il était écrit qu'il mourait trop tôt. Fidèle à ses habitudes, Brémentier ne devança point le terme à signer. Peut-être même, au dernier moment, trouva-t-il encore quelques lettres à écrire, ou quelques réflexions philosophiques à faire, qui le mirent en retard de quelques minutes. Lorsqu'on se présenta à Londres, dans les bureaux de la compagnie d'assurance, qui avait reçu la mise de Brémentier pour en réclamer le produit au nom de son héritier, il se trouva que la caisse était fermée, la compagnie ayant déposé son bilan la veille. 8 jours plus tôt, la somme eût été payée sans difficulté. Duplan, s'il avait encore vécu, n'eût point manqué de dire « Ce diable de Brémentier n'a point voulu que le dernier acte de sa vie fût un démenti de tous les autres. Il est mort trop tard. » Mais si l'on arrive mal, aussi bien par l'étourderie que par la réflexion, par la vivacité que par la lenteur, à quel proverbe se fier pour arriver à propos? La sagesse des nations, qui ne reste jamais court, vous dit « Fais chaque chose en son temps ». Toute la difficulté consiste à deviner le temps de chaque chose. Et puis, il y a des gens dont la mauvaise étoile défierait tous les proverbes du monde.